Chapitre 3e. Je me retirai dans mon appartement, où, rappelant à mon esprit les divers événements de cette journée si peu tranquille, je fus moins étonné d'avoir pu la passer tout entière sans m'occuper de ma Sophie, et comme, pour réparer ce long oubli, je répétais 20 fois son nom chéri. J'avoue pourtant que celui de la marquise vint aussi quelquefois sur mes lèvres. J'avoue que d'abord il me parut dur d'être réduit à pousser d'inutiles soupirs dans mon lit solitaire. Mais je pris le parti d'offrir à ma Sophie le sacrifice de mes plaisirs, quelque involontaire qu'il eût été, et je m'endormis presque consolé du célibat auquel la vengeance du comte m'avait condamné. J'allai, dès qu'il fit jour, présenter mes devoirs au baron. Il me dit avec beaucoup de douceur : « Faublas, vous n'êtes plus un enfant. Je vous rends une honnête liberté, j'espère que vous n'en abuserez pas. J'espère que vous ne passerez jamais les nuits ailleurs que dans cet hôtel. Songez que je suis père, et que si mon fils m'aime, il doit craindre de m'inquiéter. » Je me hâtai de me rendre chez M. de Rosembert, qui déjà m'attendait. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi en riant, et sans me laisser le temps de dire un mot, il se jeta à mon cou. « Que je vous embrasse, mon cher Faublas. Votre aventure est délicieuse. Plus je m'en occupe, et plus elle m'amuse. » Je l'interrompis brusquement. « Je ne suis pas venu pour recevoir vos compliments. » Le comte me pria d'un ton plus sérieux de m'asseoir. « Vous pourriez, me dit-il, m'en vouloir encore. Je vous reverrai dans les mêmes dispositions. Allons donc, mon jeune ami, vous êtes fou. Quoi ? Une ingrate beauté vous favorise et me délaisse ? C'est moi qu'on sacrifie ? C'est à vous qu'on m'immole et vous vous fâchez ? Je ne punis que par une inquiétude momentanée les galantes tromperies du couple qui me joue. Et c'est par le sang de son ami que M. de Faublas prétend venger les petites tribulations de Mademoiselle du Portail. Je vous jure que cela ne sera pas. Mon cher Faublas, j'ai sur vous l'avantage de 6 années d'expérience. Je sais très bien qu'à 16, on ne connaît que sa maîtresse et son épée. Mais à 22, un homme du monde ne se bat plus pour une femme. Je donnai quelques signes d'étonnement qu'il remarqua. Croyez-vous au véritable amour ? Ajouta-t-il aussitôt. C'est encore une désillusion de l'adolescence, je vous en avertis. Moi, je n'ai vu partout que de la galanterie. Qu'est-ce d'ailleurs que votre aventure ? Une bonne fortune et rien de plus. Et d'une histoire comique, nous ferions une tragédie. Nous nous égorgerions pour une belle dame qui me quitte aujourd'hui et qui demain vous plantera là. Chevalier, gardez votre courage pour une occasion plus importante. On ne peut désormais soupçonner le mien. Mon cher Faublas, j'avais à peu près votre âge quand la marquise de Rosembert, dont je suis le fils unique, achevait sa 33e année. Elle était si fraîche encore qu'on ne lui eût pas donné plus de 25 ans. Dans le monde, on l'appelait ma sœur aînée. Avec les agréments de la jeunesse, elle avait conservé ses goûts. Elle aimait les assemblées nombreuses et les plaisirs bruyants. Une nuit que je l'avais conduite au bal de l'opéra, on l'y insulta publiquement. J'accourus au cri de la marquise qui venait d'ôter son masque. Déjà l'insolente inconnue l'avait supplié d'excuser sa méprise et se perdait dans la foule. Je le joignis, je l'obligeai de se démasquer. Je reconnus le jeune Sinclair, compagnon de mon enfance, et de tous mes amis le plus cher. Je ne croyais pas que ce fût la marquise de Rosembert. Voilà tout ce qu'il me dit. C'était beaucoup, sans doute. Hélas, un murmure général nous fit comprendre que ce n'était pas assez. L'honneur voulait du sang. Nous nous battîmes. Sinclair succomba. Je tombai sans connaissance auprès de mon ami mourant. Pendant plus de 6 semaines, une horrible fièvre brûla mon sang et troubla ma raison. Dans mon délire affreux, je ne voyais que Sinclair. Sa plaie saignait sous mes yeux. Les convulsions de la mort agitaient ses membres tremblants. Et cependant, il me regardait d'un air attendri. D'une voix éteinte, il m'adressait de touchants adieux. Dans ces derniers moments, il ne paraissait sensible qu'à la douleur de quitter le barbare qui venait de l'immoler. Longtemps cette affreuse image me poursuivit. Longtemps on trembla pour ma vie. Enfin, la nature, secondée des efforts de l'art, opéra ma guérison. Mais je recouvrais ma raison sans perdre mes remords. Le temps, qui console de tout, a séché mes pleurs. Mais jamais, jamais le souvenir de cet affreux combat ne s'effacera de ma mémoire. Chevalier, je ne me verrai qu'avec peine, obligé de me battre avec un inconnu. Jugez si j'irai sans raison, exposer ma vie pour menacer la vôtre. Ah, si jamais l'inflexible honneur nous y forçait, mon cher Faublas, je vous le jure, Votre victoire ne serait ni pénible ni glorieuse. J'ai trop éprouvé qu'en pareil cas celui qui meurt n'est pas le plus malheureux. » Rosanbart me tendit les bras. Je l'embrassai de bon cœur. Son trouble se dissipa peu à peu. « Déjeunons, » me dit-il, et reprenant sa première gaieté, « vous veniez me faire une querelle, ingrat, quand vous me devez 1000 remerciements. » « Sans doute. N'est-ce pas moi qui vous ai fait connaître la marquise ? Il est vrai que je ne prévoyais pas le malin tour qu'on me jouerait. J'aurais pu pressentir une infidélité, mais devinez qu'elle aurait lieu si promptement, avec des circonstances si singulières. » Il se mit à rire. « Oh, mais plus j'y pense, plus je crois devoir vous féliciter. Elle est délicieuse, votre aventure. Et puis vous entrez dans le monde par la belle porte. La marquise est jeune, belle, pleine d'esprit, considérée à la ville, bienvenue à la cour, intrigante en diable. Elle jouit d'un crédit immense et sert ses amis chaudement. » Je témoignai au comte que je n'emploierais jamais de tels moyens pour aller à la fortune. « Et vous avez tort, » me répondit-il. « Combien de gens d'un vrai mérite ne sont pourtant avancés que par là ? Mais laissons cela. Ne me donnerez-vous pas quelques détails sur cette nuit joyeuse, de laquelle vous vous étiez bien trouvé, sans doute, puisque sans moi, vous auriez fait le lendemain ? » Je ne me fis pas presser. « Ah, la rusée marquise !» s'écria le comte, après m'avoir entendu. « Ah, la fine dame, comme elle a filé son bonheur ! Et son honnête époux, le cher marquis, le plus doux, le plus crédule, le plus complaisant des commodes maris dont la France abonde. En vérité, il me ferait croire que certains hommes ont été mis dans ce bas monde tout exprès pour servir à l'amusement de leur prochain. Mais sa femme, est très aimable. Je le sais bien, je le savais même avant vous. Et nous nous serions coupé la gorge à cause d'elle ? Oh ! Je conviens, Rosanbert, que nous aurions mal fait. Très mal. Et puis c'est qu'une telle incartade aurait été d'un exemple fort dangereux. Eh, si la jalousie allait répandre aujourd'hui son noir poison, si les maris qu'on attrape s'armaient pour réparer l'honneur de leur fragile moitié, si ces amants qu'on délaisse s'égorgeaient pour se disputer un cœur volage, vous verriez une désolation générale. La ville et la cour deviendraient un vaste champ de carnage. Combien de femmes crues sages seraient tout à coup veuves? Que de beaux enfants, réputés légitimes, pleureraient leur père? Que de charmants bâtards végéteraient abandonnés. La génération présente passerait après l'avoir fait, mais avant d'avoir élevé sa postérité. Quel tableau vous faites, Rosanbert ! Vous peignez la galanterie, mais l'amour tendre et respectueux n'existe plus. Il ennuyait les femmes l'ont tué. Vous n'estimez donc guère les femmes ? Moi, je les aime, comme elles veulent être aimées. Ah ! Lui répliquai-je avec la plus grande vivacité. « Je vous pardonne vos blasphèmes. Vous ne connaissez pas ma Sophie. » Il me demanda l'explication de ces derniers mots, mais je la lui refusai avec cette discrétion qui, surtout dans sa naissance, accompagne le véritable amour. Cependant, nous déjeunions comme on dîne, le vin de champagne n'était pas épargné, et l'on sait que Bacchus est le père de la gaieté. Tous deux, en pointe de vin, nous montâmes dans un honnête fiacre qui s'arrêta devant une maison d'assez belle apparence. Mais les airs cavaliers de la maîtresse du logis, le ton leste dont elle m'honora, tout me fit soupçonner que j'étais engagé dans une partie de filles. J'en demeurai convaincu quand la brave dame, de qui le comte paraissait très connu, et qui voulait, disait-elle poliment, me déniaiser, m'eût montré toutes les curiosités de sa maison. Monsieur de Rosanbert prenait la peine de m'expliquer tout lui-même. « Voilà, me dit-il, le cabinet de bain. » C'est ici que se blanchissent et se parfument les gentils recrues que la ville et les campagnes fournissent journellement à cette active entremetteuse. Dans cette armoire, vous voyez plusieurs flacons d'une eau astringente, dont le grand mérite est de réparer toute espèce de brèche, faite à ce que les vierges appellent leur vertu. Beaucoup de demoiselles bien-nées s'en servent discrètement et vont ensuite, la première nuit de noces, offrir au mortel heureux qui les épouse un honneur tout neuf. À côté, remarquez l'essence à l'usage des monstres. Elle produit un effet tout contraire, aussi ne s'en sert-on jamais. Hélas, il est passé le temps des miniatures, et dans tout Paris, je gage, on ne trouverait plus une seule petite femme qui eût besoin de cette eau-là. En revanche, si celle que vous voyez dans ces flacons plus grands est aussi bonne qu'on le prétend, il s'en fera bientôt une prodigieuse consommation. Vous verrez accourir chez le docteur Guibert de Prévas une foule de clercs, de procureurs, quelques robins, beaucoup de grands seigneurs, une partie de nos militaires et presque tous nos abbés. C'est le fameux spécifique. Vous savez, Faublas, ce qu'est un cabinet de toilette. Celui-ci n'a rien de remarquable. Passons. C'est ici la salle du bal. On n'y danse pas, mais on s'y déguise. Vous prenez cela pour une armoire ? C'est une porte de communication. Elle rentre dans une maison qui a son entrée dans une autre rue. Une femme de qualité a-t-elle de secrets besoins qu'elle soit pressée de satisfaire ? Elle entre par là, se déguise en suivante, montre ses appâts sous la bure et reçoit les vigoureux embrassements d'un rustre grossier déguisé en prélat ou d'un gros prélat, si naturellement travesti qu'on le prend pour un rustre. Ainsi, l'on se rend mutuellement service et comme personne ne se reconnaît, on n'a d'obligation à personne. Maintenant, entrons dans l'infirmerie. Que le mot ne vous alarme pas. Ouvrez, si bon vous semble, ces brochures licencieuses. Considérez ces peintures obscènes. Elles furent mises ici pour allumer l'imagination de ces vieux débauchés que la mort a frappés d'avance dans l'endroit le plus sensible. Et c'est encore avec ces petits faisceaux de genêts parfumés qu'on les ressuscite. Vous concevez qu'un pareil moyen serait trop violent pour le beau sexe. Aussi lui a-t-on réservé ces pastilles. Elles sont tellement irritantes qu'une femme qui en a mangé prend d'abord ce qu'on appelle la rage d'amour. Au reste, on ne les emploie ordinairement que contre quelques jolies villageoises, froides par tempérament et vertueuses de bonne foi. Nos honnêtes femmes, qui ont du monde et de l'éducation, ne résistent jamais assez pour qu'on soit réduit à les attaquer avec ces armes-là. Venez, venez, approchez-vous. Parmi les plantes curieuses du jardin du roi, n'avez-vous pas remarqué celle-ci ? C'est cela que bien des pauvres filles ont appelé leur consolateur. Vous n'imaginez pas combien de dévotes madame en a fourni. Cette dernière pièce se nomme le salon de Vulcain. Il n'y a rien de remarquable que cet infernal fauteuil. Une malheureuse qu'on y jette s'y trouve renversée sur le dos. Ses bras restent ouverts, ses jambes s'écartent mollement. On la viole, sans qu'elle puisse opposer la moindre résistance. Vous frémissez. Faublas. Et pour cette fois, vous avez raison. Je suis jeune, ardent, libertin, peu scrupuleux, si vous voulez, mais en vérité, je crois que je ne pourrai jamais me résoudre à asseoir de force une pauvre vierge dans ce fauteuil-là. Le comte ajouta. Si nous étions venus plus tôt, on nous aurait donné des petites bourgeoises, mais faute de mieux, voyons le sérail. C'était ainsi qu'il appelait la salle où se trouvaient rassemblées beaucoup de nymphes, qui toutes passèrent devant nous, en briguant l'honneur du mouchoir. Rosanbert prit la plus jolie. J'eus la singulière fantaisie de choisir la plus laide. « En attendant, me dit le comte, qu'on ait servi le dîner que j'ai demandé, nous pouvons, chacun de notre côté, commencer avec notre belle un bout de conversation. À table, nous formerons la partie carrée. » Né curieux, je me sentis l'envie d'examiner en détail la nymphe que je m'étais choisie. Il me parut important de savoir quelle différence il y avait entre une belle marquise et une laide courtisane. Le sujet était peu digne de mon attention. La recherche m'amusa d'abord uniquement par les objets de comparaison qu'elle m'offrit. Insensiblement, j'y pris feu, et machinalement, je songeais à pousser l'examen aussi loin qu'il pouvait aller. La nymphe s'aperçut de mes heureuses dispositions, et ne me laissant pas le temps de réfléchir davantage, elle m'invita à tenter l'attaque et se prépara fièrement à la soutenir. Mais tout à coup, sans que j'eusse besoin d'expliquer mes intentions pacifiques, la guerrière expérimentée vit qu'il n'y aurait pas entre nous la plus légère escarmouche. Elle se releva nonchalamment et me regardant avec attention. « Tant mieux, » dit-elle, « ça aurait été dommage. » Il est impossible de se figurer combien je fus frappé du sens très clair que présentaient ces mots « ça aurait été dommage. » Je n'examinais pas ce que Rosanbert deviendrait. Je m'enfuis de cette infâme maison en jurant que je n'y retournerais de ma vie. Le comte était chez moi le lendemain à 10 heures du matin. Il venait savoir quelle terreur panique m'avait saisi et m'assura que mon aventure, s'étant répandue dans cette maison, avait singulièrement diverti tous ceux qui s'y trouvaient. « Quoi, Rosanbert ? Cette fille me dit, ça aurait été dommage, et vous appelez ma terreur une terreur panique ? Oh, cela est différent. La nymphe a un peu tronqué l'aventure. Elle se gardait bien de nous apprendre le « ça aurait été dommage » change entièrement l'histoire. » Il est d'un bon genre, le saurait été dommage. Eh bien, Faublas, cette femme qui vous félicite froidement d'avoir échappé à un danger qu'elle vous invitait à courir, l'estimez-vous ? Vous me faites là une plaisante question, Rosanbert. et que pourriez-vous conclure de ma réponse contre son sexe en général ? Vous esquivez, mon ami, vous êtes incorrigible. Eh bien, estimez, estimez, puisque vous le voulez absolument. Moi, je vais me coucher. Comment ? Vous couchez ? D'où venez-vous donc ? Que voulez-vous ? Dans le monde, il faut s'amuser de tout. J'ai trouvé le commandeur de... le petit chevalier de M, l'abbé de D. Nous avons fait toute la soirée et toute la nuit un vacarme, une orgie. Cela était délicieux. Mais je vais me coucher. J'étais à peine habillé quand mon père monta chez moi. Il me dit que M. du Portail m'attendait à dîner. Il ajouta « Vous passerez ensemble toute la soirée. Je soupe dans ce quartier-là. J'irai vous prendre chez lui, je vous ramènerai. » Je me hâtai de sortir, car j'étais pressé de voir ma jolie cousine. Elle vint au parloir avec ma sœur. « Que vous êtes heureux, » me dit vivement Adélaïde. « Vous allez au bal, vous y passez les nuits. Vous y avez fait la connaissance d'une fort jolie dame. Et qui vous a dit tout cela ? Monsieur Persson, qui n'a pas de secret pour nous. » Sophie baissait les yeux et gardait le silence. Ma sœur continua ainsi. « Dites-nous donc quelle est cette dame. Et un bal masqué, cela doit être beau. Fort ennuyeux, je vous assure. Et quant à cette dame, elle est jolie, mais beaucoup moins, oh, beaucoup moins que ma jolie cousine. » Sophie, toujours muette, toujours les yeux baissés, ne paraissait occupée que de quelques breloques qui manquaient au cordon de sa montre. Mais la rougeur dont son front s'était couvert la trahit. Je vis que notre conversation la touchait d'autant plus qu'elle affectait de s'y intéresser moins. « Vous avez du chagrin, ma jolie cousine ?»« Non, monsieur, mais c'est que j'ai mal dormi cette nuit. »« Oui, » dit encore la vieille, « cela est vrai. » Mademoiselle, depuis 3 ou 4 jours, s'accoutume à ne pas dormir. C'est une fort mauvaise habitude, fort mauvaise. On en meurt très bien. Moi qui vous parle, j'ai connu mademoiselle... Tenez, mademoiselle Stor. Vous n'avez pas connu cela, vous, mademoiselle. Vous êtes trop jeune, dame. Il y a bien 45 ans que cela est arrivé. Mademoiselle Stor. La vieille avait ainsi commencé son histoire, et si je ne voulais pas être privé du bonheur de voir ma jolie cousine... Il fallait en écouter la longue narration. Sophie m'épargna ce déplaisir pour m'en causer un plus vif. Elle se leva. Sa gouvernante lui demanda avec humeur ce qu'elle avait. Elle répondit qu'elle se sentait fort incommodée. Sa voix tremblait. « Voilà comme vous faites toujours, » répliqua la vieille. « On n'a jamais le temps de parler à personne. Monsieur le chevalier, venez demain. Vous verrez comme cela est intéressant et qu'on a bien raison de dire qu'il faut que les jeunes personnes dorment. » « Mon frère, « vous permettez que je suive ma bonne amie ?»« Oui, ma chère Adélaïde, oui. Ayez bien soin d'elle. » Sophie, en me saluant, leva enfin les yeux. Elle laissa tomber sur moi un regard douloureux qui pénétra dans mon cœur pour y réveiller le remords. Il était temps de me rendre à l'invitation de M. du Portail. Après lui avoir renouvelé mes remerciements, je lui racontai toute mon aventure, sans oublier le déjeuner de Rosembert. Mais je me gardais bien de lui apprendre où notre gaieté nous avait conduit ensuite. « Je suis bien aise, me dit-il, que M. de Rosembert, qui, d'après ces propos que vous me rendez, me paraît être un petit maître dans toute la force du terme, ait au moins de justes idées sur l'honneur véritable. Quant aux femmes, il paraît en effet que le comte ne les estime point. Si ce n'est que par air et à l'exemple de tant de jeunes gens comme lui qu'il affecte pour elles ce profond mépris, que peut-être il n'a pas, je le plains. Je le plains davantage s'il n'a jamais connu que des femmes mésestimables. Croyez-en mon jugement plus exercé, mes observations plus réfléchies, si l'on rencontre dans le monde quelques femmes sans pudeur, on y voit beaucoup plus de jeunes gens sans principe. Gardez-vous d'écouter les vieilles déclamations de ces petits messieurs-là. J'en ai connu qui, réunissant aux paisibles vertus de leur sexe, les vertus plus mal d'une autre, ont donné à des hommes dignes d'elles l'exemple d'un généreux dévouement, les leçons difficiles d'un courage infatigable et d'une patience à toute épreuve. Votre marquise n'est point une héroïne, ajouta-t-il en souriant. C'est une femme bien jeune, bien imprudente. Mon ami, ayez plus de raison qu'elle. Terminez cette aventure dangereuse. Quelle que soit la crédulité du mari, il ne faut qu'un événement imprévu pour la détruire. Promettez-moi de ne plus retourner chez Madame de B. J'hésitais. Monsieur du Portail me pressa. D'ailleurs, en faisant l'éloge des femmes, il m'avait rappelé ma Sophie. Je finis par promettre tout ce qu'il voulut. « Maintenant, me dit-il, j'ai des secrets importants à vous révéler. Quand vous m'aurez entendu, vous sentirez qu'il faut répondre à ma grande confiance par une inviolable discrétion. » Monsieur de Portail, ou plutôt le noble comte Lobzinski, me révéla alors le secret que je n'avais fait qu'entrevoir. Il me raconta son histoire, qui était de nature à déchirer un cœur sensible. Mêlé dès sa jeunesse aux troubles qui précédèrent le partage de la malheureuse Pologne, patriote dévoué, il se lia très étroitement avec le comte Pulowski, le plus vaillant des défenseurs de l'indépendance. Mais un dissentiment passager s'éleva entre eux à cause de l'élection du prince P au trône de Pologne. Pulowski s'emporta et le chassa de sa présence. Ce fut pour lui un double désespoir, car outre qu'il était très attaché au comte et à la cause qu'il défendait, de plus son cœur n'avait pu se défendre d'un doux attachement pour sa fille, la charmante Lodoïska, qui le payait de retour. Pulowski, continua Lobzinski, voyant ses espérances détruites et les Russes maîtres de sa patrie, disparut de Varsovie pour réunir les Polonais fidèles et tenta la fortune contre l'envahisseur. Mais outre que je souffrais de sa disparition à cause de l'affection que je lui portais à lui-même, ce qui augmentait mon désespoir, c'était l'enlèvement de celle que j'aimais et que je craignais de ne plus revoir. Mais combien ma douleur fut plus grande lorsque j'appris que Lodoïska était tombée entre les mains d'un misérable petit Dourlinski. Cet homme, abusant de la confiance de Pulowski, qui avait remis sa fille entre ses mains, l'avait enfermée dans une tour obscure, mettant sa liberté au prix de son honneur. Je parvins à m'introduire, avec mon serviteur Boleslas, dans le château de ce Dourlinski, qui me reconnut et me jeta dans un cachot tandis qu'il ordonnait à Lodoïska de se préparer à lui appartenir. Cependant, des 3 jours que Dourlinski avait laissés à Lodoïska pour se déterminer, 2 déjà s'étaient écoulés. Nous étions au milieu de la nuit qui précédait le 3e. Je ne pouvais dormir. Je me promenais dans ma chambre à grands pas. Tout à coup, j'entends crier aux armes. Des hurlements affreux s'élèvent de toutes parts autour du château. Il se fait un grand mouvement dans l'intérieur. La sentinelle, posée devant nos fenêtres, quitte son poste. Boleslas et moi, nous distinguons la voix de Dourlinski. Il appelle, il encourage ses gens. Nous entendons distinctement le cliquetis des armes, les plaintes des blessés, les gémissements des mourants. Le bruit, d'abord très grand, semble diminuer. Il recommence ensuite. Il se prolonge, il redouble. On crie victoire. Beaucoup de gens accourent et ferment les portes sur eux avec force. Tout à coup, à ce vacarme affreux, succède un silence effrayant. Bientôt, un bruissement sourd frappe nos oreilles. L'air siffle avec violence. La nuit devient moins sombre. Les arbres du jardin se colorent d'une teinte jaune et rougeâtre. Nous volons à la fenêtre. Les flammes dévoraient le château de Dourlinski. Elles gagnaient de tous côtés la chambre où nous étions, et pour comble d'horreur, des cris perçants partaient de la tour où je savais que Lodoïska était enfermé. Ici, M. Duportail fut interrompu par le marquis de B, qui, n'ayant trouvé aucun laquais dans l'antichambre, entra sans avoir été annoncé. Il recula de 2 pas en me voyant. « Ah ! » dit-il en saluant M. Duportail, « c'est que vous avez aussi un fils ?» Puis, s'adressant à moi, « Monsieur est apparemment le frère ?»« De ma sœur, oui, monsieur. »« Eh bien, vous avez une sœur fort aimable, charmante, mais charmante. »« Vous êtes aussi honnête qu'indulgent, » interrompit M. Duportail. « Indulgent ? Oh, je ne le suis pas toujours. Par exemple, je suis venu pour vous faire des reproches, à vous, monsieur. »« À moi ? Aurais-je eu le malheur ?»« Oui. Vous nous avez joué avant-hier un tour sanglant. »« Comment, monsieur ? Vous avez chargé ce petit Rosenberg de nous enlever Mademoiselle Duportail. La marquise comptait bien que sa chère fille passerait la nuit chez elle, point du tout. »« J'ai craint, monsieur, que ma fille ne vous causât beaucoup d'embarras. »« Aucun, monsieur. » Mademoiselle Duportail est charmante. Ma femme raffole d'elle, je vous l'ai déjà dit. En vérité, ajouta-t-il en ricanant, je crois que la marquise aime cet enfant-là plus qu'elle ne m'aime moi-même. Je suis pourtant son mari. Au moins, si vous étiez venu vous-même la chercher. Pardon, monsieur, j'étais incommodé. Je le suis même encore beaucoup. Je sais que je dois à Madame de B des remerciements. Ce n'est pas pour cela. Pendant ce dialogue, on sent que je n'étais pas tout à fait à mon aise. Le marquis me considérait avec une attention qui m'inquiétait. « Savez-vous bien, me dit-il enfin, que vous ressemblez beaucoup à mademoiselle votre sœur ?»« Monsieur, vous me flattez. »« Mais c'est que cela est frappant. Allez, je m'y connais bien. D'abord, tous mes amis conviennent que je suis physionomiste. Je vous le demande à vous-même. Je ne vous ai jamais vu et je vous ai reconnu tout de suite. » Monsieur du Portail ne put s'empêcher de rire avec moi de la bonne foi du marquis. « Monsieur, dit-il à celui-ci, c'est que, comme vous l'avez fort bien remarqué, mon fils et ma fille se ressemblent un peu. Il faut convenir qu'il y a un air de famille. » « Oui, répondit le marquis en me regardant toujours. Ce jeune homme est bien, mais sa sœur est encore mieux. » Il me prit par le bras. « Elle est un peu plus grande. Elle a l'air plus raisonnable, quoiqu'elle soit un peu espiègle. C'est bien là, sa figure, mais il y a dans vos traits quelque chose de plus hardi. Vous avez moins de grâce dans le maintien, et dans toute l'attitude du corps quelque chose de plus nerveux, de plus roide. Oh, dame, n'allez pas vous fâcher, tout cela est bien naturel. Il ne faut pas qu'un garçon soit fait comme une fille. » Le flegme de monsieur du Portail ne put tenir contre ces derniers propos. Le marquis nous fit rire et se mit à rire de tout son cœur. « Oh, je vous l'ai dit, je suis grand physionomiste, moi. Mais n'aurais-je pas le bonheur de voir la chère sœur ?» Monsieur de Portail se hâta de répondre. « Non, monsieur, elle est allée faire ses adieux. »« Ses adieux ? » ?»« Oui, monsieur, elle part demain pour son couvent. »« Pour son couvent ? À Paris ? » ?»« Non, à Soissons. »« À Soissons, demain matin ?»« Cette chère enfant nous quitte ? » ?»« Il le faut bien, monsieur. » »« Elle fait actuellement ses visites ?» « Oui, monsieur. Et sans doute elle viendra dire adieu à sa maman ?»« Assurément, monsieur. Et elle doit même être actuellement chez vous. »« Ah, que je suis fâché. Ce matin, la marquise était encore malade. Elle a voulu sortir ce soir. Je lui ai représenté qu'il faisait froid, qu'elle s'enrhumerait. Mais les femmes veulent ce qu'elles veulent. Elle est sortie. Eh bien, tant pis pour elle. Elle ne verra pas sa chère fille, et moi je la verrai, car elle ne tardera sûrement pas à revenir. Elle a plusieurs visites à faire. » dis-je au marquis. « Oui, » ajouta monsieur du Portail, « nous ne l'attendons que pour souper. » « On soupe donc ici ?»« Vous avez raison. Ils ont tous la manie de ne pas manger le soir. Moi, je n'aime pas mourir de faim, parce que c'est la mode. Vous soupez, vous. Eh bien, je reste, je soupe avec vous. Vous allez dire que j'en use librement, mais je suis ainsi fait. Je veux qu'on agisse de même avec moi. Quand vous me connaîtrez mieux, vous verrez que je suis un bon diable. » Il n'y avait pas moyen de reculer. Monsieur de Portail prit son parti sur le champ. « Je suis fort aise, monsieur le marquis, que vous voulez bien être des nôtres. Vous permettrez seulement que mon fils vous quitte pour une heure ou deux, il a quelques affaires pressées. » « Monsieur, qu'on ne se gêne pas pour moi qu'il nous quitte, mais qu'il revienne, car il est fort aimable, monsieur votre fils. » « Vous permettez aussi que je vous laisse un moment pour lui dire deux mots. Faites, monsieur, comme si je n'étais pas là. » Je saluai le marquis, il se leva précipitamment, me prit par la main, et dit à monsieur du Portail, « Tenez, monsieur, vous direz tout ce que vous voudrez, ce jeune homme-là ressemble à sa sœur comme deux gouttes d'eau. Je me connais en figure. » « Oui, monsieur, répondit monsieur du Portail, il y a un air de famille. » À ces mots, il passa avec moi dans un autre appartement. « Parbleu, me dit-il, c'est un singulier homme que votre marquis. Il ne se gêne pas avec ceux qu'il aime. » « Mon très cher père, il est bien vrai que le marquis est venu sans façon s'impatroniser chez vous. » Mais quant à moi, j'aurais tort de m'en plaindre, je me suis mis chez lui fort à mon aise. Quant à vous, c'est bien dit, mais laissons la plaisanterie, et voyons comment nous allons sortir de là. Si je ne considérais que lui, cela serait bientôt fini. Mais, mon ami, vous avez des ménagements à garder à cause de sa femme. Écoutez, retournez chez vous, faites prendre à votre laquais un habit quelconque, et qu'il vienne annoncer ici que mademoiselle du Portail soupe chez madame de... le premier nom qui vous viendra à l'esprit. Eh bien, après, le marquis soupera toujours avec vous, et il attendra tranquillement le retour de votre fille. C'est ainsi qu'il est fait, il vous l'a dit lui-même. Comment donc faire? Comment? Mon très cher père, je fais si bien, la demoiselle. Je vais m'habiller en femme, et votre fille viendra réellement souper avec vous. Ce sera votre fils, au contraire, qui sera retenu et qui ne viendra pas. Il est 6 heures... Je serai de retour à 10, j'ai le temps. À la bonne heure. Convenez pourtant que Lovzinski joue là un singulier rôle. Vous m'avez embarqué dans une aventure, mais il n'y a plus à s'en dédire. Allez vite et revenez. Je courus à l'hôtel. Jasmin me dit que mon père était sorti et qu'une fort jolie demoiselle m'attendait chez moi depuis plus d'une heure. Une jolie demoiselle, Jasmin ? Je m'élançai comme un trait dans mon appartement. Ah, Justine, c'est toi ! Jasmin disait bien que c'était une jolie demoiselle, et j'embrassai Justine. Gardez cela pour ma maîtresse, me dit-elle d'un petit air boudeur. Pour ta maîtresse, Justine, tu la vaux bien. Qui vous l'a dit? Je le soupçonne. Il ne tient qu'à toi que j'en sois certain. Et j'embrassai Justine, et Justine me laissait faire en répétant « Gardez cela pour ma maîtresse !»« Mon Dieu, que vous êtes bien avec vos habits » ajouta-t-elle. « Est-ce que vous les quitterez encore pour vous déguiser en femme ?»« Ce soir, pour la dernière fois, Justine. Après cela, je serai toujours homme. À ton service, belle enfant. »« À mon service ? Oh que non, au service de madame. »« Au sien et au tien en même temps, Justine. »« Oui, da, il vous en faut donc deux à la fois. » »« Je sens, ma chère, que ce n'est pas trop. » Et j'embrassai Justine, et mes mains se promenaient sur une gorge fort blanche qu'on ne défendait presque pas. « Mais voyez donc comme il est hardi !» disait Justine. « Qu'est devenue la modestie de mademoiselle du portail ?»« Ah, Justine, ah, tu ne sais pas comme une nuit m'a changée !» Cette nuit-là avait bien changé ma maîtresse aussi. Le lendemain, elle était pâle, fatiguée. Mon Dieu, en la voyant, je n'ai pas eu de peine à deviner que mademoiselle du portail était un bien brave jeune homme. Quand je te dis, Justine, que je n'en aurais pas trop de deux. Je voulus l'embrasser. Pour cette fois, elle se défendit en reculant. Mon lit se trouva derrière elle. Elle y tomba à la renverse. Et par un malheur auquel on s'attend peut-être, je perdis l'équilibre au même instant. Quelques minutes après, Justine, qui ne se pressait pas de réparer son désordre, me demanda en riant ce que je pensais de la petite espièglerie qu'elle avait faite au marquis. « Quoi donc, mon enfant ? L'étiquette au milieu du dos. Que dites-vous du tour ? Charmant, délicieux, presque aussi bon que celui que nous venons de faire à la marquise. À propos d'elle, et ma commission donc, ma maîtresse vous attend. Elle m'attend, j'y cours. Là, le voilà parti. Et où courez-vous ? Je n'en sais rien. Voyez donc comme il me plantait là. Justine, c'est que tu conçois. Je conçois que vous êtes un franc libertin. Tiens, Justine, faisons la paix. Un louis d'or et un baiser. Je prends l'un très volontiers, et je vous donne l'autre de bon cœur. Le charmant jeune homme, joli, vif, généreux, oh, comme vous avancerez dans le monde. Ah ça, partons, suivez-moi par derrière, à quelque distance et sans affectation. Vous me verrez entrer dans une boutique. À côté est une porte cochère que vous trouverez entr'ouverte. Vous entrerez vite. Un portier vous demandera qui vous êtes. Vous répondrez « l'amour ». Vous grimperez au premier étage. Sur une petite porte blanche, vous lirez ce mot « Paphos ». Vous ouvrirez avec la clé que voici, et vous ne resterez pas longtemps seul. Avant de sortir, j'appelai Jasmin pour lui ordonner de prendre un autre habit que celui de la maison, et d'aller, de la part de M. de Saint-Luc, annoncer à M. du Portail que son fils ne reviendrait pas souper. Cependant, Justine s'impatientait. Je la suivis. Elle entra chez une marchande de mode. Je me précipitai dans la porte cochère. « L'amour !» criai-je au portier, et d'un saut, je fus à Paphos. J'ouvris, j'entrai. Le lieu me parut digne du Dieu qu'on y adorait. Un petit nombre de bougies n'y répandait qu'un jour doux. Je vis des peintures charmantes, je vis des meubles aussi élégants que commodes. Je remarquai surtout, dans le fond d'une alcôve dorée, tapissée de glace, un lit à ressort, dont les draps de satin noir devaient relever merveilleusement l'éclat d'une peau fine et blanche. Alors, je me ressouvins que j'avais promis à M. du Portail de ne plus revoir la marquise, et l'on devine que je m'en ressouvins trop tard. Une porte, que je n'avais pas remarquée, s'ouvrit tout à coup. La marquise entra. Voler dans ses bras, lui donner 20 baisers, l'emporter dans l'alcôve, la poser sur le lit mouvant, m'y plonger avec elle dans une douce extase, ce fut l'affaire d'un moment. La marquise reprit ses sens en même temps que moi. Je lui demandai comment elle se portait. « Que dites-vous donc ? » répondit-elle d'un air étonné. Je répétai, « Ma chère petite maman, comment vous portez-vous ? » Elle partit d'un éclat de rire. « Je croyais avoir mal entendu. Le « comment vous portez-vous » est excellent. Mais si j'étais incommodé, il serait bien temps de me le demander. Croyez-vous que ce régime-ci convienne à une personne malade ? Mon cher Faublas, » ajouta-t-elle en m'embrassant tendrement, « vous êtes bien vif. » Ma chère petite maman, c'est que je sais aujourd'hui bien des choses que j'ignorais il y a 3 jours. Craignez-vous de les oublier, fripon que vous êtes ? Oh non ! Oh non ! Répéta-t-elle en me contrefaisant. Je vous crois bien, monsieur le libertin. Elle m'embrassa encore. Promettez de ne vous en souvenir jamais qu'avec moi de ces choses-là. Je vous le promets, ma petite maman. Vous jurez d'être fidèle ? je le jure. Toujours ? Oui, toujours. Mais dites-moi donc, vous avez beaucoup tardé à venir me joindre, petit ingrat. Je n'étais pas chez moi, j'ai dîné chez monsieur du Portail. Chez monsieur du Portail, il vous a parlé de moi ? Oui. Vous ne lui avez pas conté les folies ? Non, maman. Elle continua d'un ton très sérieux. Vous lui avez bien dit que j'étais, comme le marquis, trompé par les apparences. Oui, maman. Et que je le suis encore. Poursuivit-elle d'une voix tremblante, mais en me donnant le baiser le plus tendre. Oui, maman. Charmant enfant, s'écria-t-elle. Il faudra donc que je t'adore. Si vous ne voulez pas être une ingrate, il le faudra. Cette réponse me valut plusieurs caresses, et puis un reste d'inquiétude se faisant sentir encore. Ainsi, vous avez assuré, monsieur du Portail, que je vous crois fille, ajouta la marquise en rougissant. Oui. Vous savez donc mentir. Est-ce que j'ai menti? Je pense que le fripon se moque de sa maman. Je feignis de vouloir m'enfuir. Elle me retint. Demandez pardon tout à l'heure, monsieur. Je le demandai comme un homme qui était bien sûr de l'obtenir. Le badinage s'échauffa, la paix fut signée. Vous n'êtes donc plus fâché? Dis-je à la marquise. Bon, répondit-elle en riant, est-ce que la colère d'une amante tient contre de pareils procédés? Petite maman, je passe avec vous des moments bien doux. Savez-vous à qui j'en ai l'obligation? Il serait bien singulier que vous crussiez devoir de la reconnaissance à quelque autre que moi. Ceci est singulier, j'en conviens, mais cela est. Expliquez-vous, mon bon ami. J'ignorais le bonheur que vous me prépariez. Je serais encore chez monsieur du Portail si votre chère Marine n'était venue me faire une visite. À monsieur du Portail et à moi, maman. Il vous a vu chez monsieur du Portail. Ici, je racontais à ma belle maîtresse tout ce qui s'était passé dans la visite que le marquis nous avait faite. Elle se contint beaucoup pour ne pas rire. « Ce pauvre marquis, me dit-elle, il a la plus maligne étoile. Il semble qu'il aille exprès chercher le ridicule. Une femme est bien malheureuse, mon cher Faublas, dès qu'elle aime quelqu'un. Son mari n'est plus qu'un sot. Petite maman, vous n'êtes pas tant à plaindre. Il me semble que dans ce cas, le malheur est pour le mari. Ah, c'est que, répondit-elle en prenant un air sérieux, on souffre toujours des humiliations qu'un mari reçoit. On en souffre quelquefois, je le veux bien, mais aussi n'en profite-t-on jamais. Faublas, vous vous ferez battre. Mais dites-moi, il faut que vous alliez souper avec le marquis et vous n'avez pas de robe. Et puis, comptez-vous me quitter si tôt? Le plus tard qu'il me sera possible, ma belle maman. Mais vous pouvez vous habiller ici. À ces mots, elle sonna Justine. « Bah, lui dit-elle, cherchez une de mes robes. Il faut que nous habillions, mademoiselle. » Je fermai la porte sur Justine, qui me donna un petit soufflet. La marquise ne s'en aperçut pas. Je retournai près d'elle. « Petite maman, êtes-vous bien sûre que votre femme de chambre ne jasera pas ?»« Oui, mon ami. Je lui donnerai pour se taire beaucoup plus d'argent qu'on ne lui en donnerait pour parler. » Je ne pouvais vous recevoir chez moi. Il fallait renoncer au plaisir de vous voir ou me décider à faire une imprudence. Mon cher Faublas, je n'ai pas balancé. Charmant enfant, ce n'est pas la première folie que tu me fais faire. Elle prit ma main qu'elle baisa et dont elle se couvrit les yeux. Petite maman, vous ne voulez plus me voir? Ah, toujours et partout, s'écria-t-elle. Ou bien il eût fallu ne te voir jamais. Ma main, qui tout à l'heure me cachait ses yeux, maintenant était pressée sur son cœur. Son cœur ému palpitait. Ses longues paupières se remplissaient de larmes, et sa bouche charmante, approchée de la mienne, demandait un baiser. Elle en reçut mille. Un feu dévorant me brûlait. Je crus qu'il était partagé, je voulus l'étreindre, mais mon amante, plus heureuse, plongée dans l'ivresse d'un tendre épanchement, goûtait les inexprimables douceurs des plaisirs qui viennent de l'âme. Elle repoussa des jouissances moins ravissantes, quoique délicieuses. « Ne plus te voir, reprit-elle, ce serait ne plus exister, et je n'existe que depuis quelques jours. » Une imprudence, ajouta-t-elle bientôt, en promenant sur tous les objets qui nous environnaient ses regards étonnés. Ah, n'en ai-je fait qu'une? Ah, combien j'en dois risquer encore, si j'en juge par celle qu'en si peu de temps tu m'as obligé à commettre? Chère maman, je me permets une question peut-être bien indiscrète, mais vous excitez ma vive curiosité. Chez qui sommes-nous donc ici? Cette question tira la marquise de l'extase où elle était. Chez qui nous sommes? « Chez une de mes amies. »« Cet ami-là aime, Madame de B, tout à fait remise, se hâta de m'interrompre. « Oui, Faublas, elle aime. Vous avez dit le mot, elle aime. C'est l'amour qui a fait ce lieu charmant. C'est pour son amant. »« Et pour le vôtre, ma petite maman. »« Oui, mon bon ami. Elle a bien voulu me prêter ce boudoir pour ce soir. »« Cette porte, par laquelle vous êtes entrée, donne dans ses appartements. »« Maman, encore une question. Voyons. Comment vous portez-vous ?» Elle me regarda d'un air étonnant et riant. « Oui, continuai-je, plaisanterie à part, vous étiez malade avant-hier. Monsieur de Rosembert, ne me parlez pas de lui. Monsieur de Rosembert est un indigne homme, capable de me faire à moi 1000 noirceurs, et à vous 1000 mensonges. Qu'il vous trouve disposé à le croire, il vous affirmera confidemment qu'il a eu tout l'univers. Encore s'il n'était que fat, on pourrait le lui pardonner. » Mais ces odieux procédés pour moi, quand même je les aurais mérités, seraient inexcusables. Il est vrai qu'il nous a bien tourmentés avant-hier. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Laissons cela, cependant. Quand je te vois, mon bon ami, je ne songe plus à ce que j'ai souffert pour toi. Qu'il est bien dans ses habits d'homme, qu'il est joli, qu'il est charmant. Mais quel dommage, ajouta-t-elle en se levant d'un air léger, il faut quitter tout cela. Allons, monsieur de Faublas, « faites place à Mademoiselle du Portail. » À ces mots, elle défit d'un coup de main tous les boutons de ma veste. Je me vengeais sur un fichu perfide que j'avais déjà beaucoup dérangé et que j'enlevais tout à fait. Elle continua l'attaque. Je me plaisais à la vengeance. Nous ôtions tout sans rien rétablir. Je montrai à la marquise de Minu l'alcôve fortunée et cette fois elle s'y laissa conduire. On grattait doucement à la porte. C'était Justine. Il faut lui rendre cette justice, pour cette fois, elle avait fait promptement sa commission. Quoique peu décemment vêtue, j'allais, sans y songer, ouvrir à la femme de chambre. La marquise tira un cordon, des rideaux se formèrent sur nous, la porte s'ouvrit. « Madame, voici tout ce qu'il faut. Vous aiderai-je à l'habiller ?»« Non, Justine, je m'en charge. Mais tu la coifferas, je te sonnerai. » Justine sortit. Nous nous amusâmes encore quelque temps à contempler les tableaux riants et multipliés que nous offraient les glaces dont nous étions environnés. « Allons, » me dit la marquise en m'embrassant, « il faut que j'habille ma fille. » Je voulus marquer l'instant de la retraite par une dernière victoire. « Non, mon bon ami, » ajouta-t-elle, « il ne faut abuser de rien. » Ma toilette commença. Tandis que la marquise s'en occupait sérieusement, je m'amusais à toute autre chose. « Voyez s'il finira. » disait ma belle maîtresse. « Allons, songez qu'il faut être sage. Vous voilà demoiselle. » J'étais affublé d'un jupon et d'un corset. « Ma petite maman, il faut d'abord que Justine me coiffe. Ensuite, elle finira de m'habiller. » J'allais sonner. « Qu'il est étourdi. Ne voyez-vous pas dans quel état vous m'avez mise? Ne faut-il pas que je m'habille aussi ?» J'offris mes services à la marquise. Je faisais tout de travers. « Petite maman, il faut plus de temps pour réparer que pour détruire. » « Ah oui, je le vois bien. Quelle femme de chambre j'ai là. Elle est encore plus curieuse que maladroite. » Enfin, nous sonnâmes Justine. « Petite, il faut coiffer cet enfant. »« Oui, madame. Mais ne faudra-t-il pas que j'arrange vos cheveux aussi ?»« Pourquoi donc? Suis-je décoiffée ?»« Madame, il me semble que oui. » La marquise ouvrit une armoire. On y fourra mes habits d'homme. « Demain matin, me dit-on, un commissionnaire discret vous reportera tout cela chez vous. » Dans une autre armoire plus profonde se trouvait une table de toilette qu'on roula jusqu'à moi. Et voilà Justine exerçant ses petits doigts légers. La marquise, en se plaçant auprès de moi, me dit « Mademoiselle du Portail, permettez-moi de vous faire ma cour. » « Oui, oui, » interrompit Justine, « en attendant que M. de Faublas vous fasse encore la sienne. » « Que dit donc cet écervelé ?» répondit la marquise. « Elle dit que je vous aime bien. » « Dit-elle vrai, Faublas ?»« En doutez-vous, maman ?» Et je lui baisai la main. Cela déplut à Justine, apparemment. « Diable de cheveux !» dit-elle, en donnant un coup de peigne vigoureux. « Comme ils sont mêlés !»« Ah, Justine, tu me fais mal !»« Ne faites pas attention, monsieur. Songez à votre affaire. Madame vous parle. »« Petite, je ne dis mot, je regarde Mademoiselle du Portail. Tu la fais bien jolie. »« C'est pour qu'elle plaise davantage à madame. »« Petite, je crois qu'au fond, cela t'amuse. » « Mademoiselle du Portail ne te déplaît pas ?»« Madame, j'aime encore mieux Monsieur de Faublas. »« Elle est de bonne foi, au moins. »« De très bonne foi, madame. Demandez-lui plutôt à lui-même. « Moi, Justine, je n'en sais rien. »« Vous mentez, monsieur. »« Comment je mens ?»« Oui, monsieur. Vous savez bien que quand il faut faire quelque chose pour vous, je suis toujours prête. »« Madame m'envoie chez vous. Zeste, je pars. »« Oui, » interrompit la marquise, « mais tu ne reviens pas. »« Madame, aujourd'hui ce n'est pas ma faute. Il m'a fait attendre. » Ici, Justine me chatouilla doucement le cou en tournant une boucle. « C'est qu'il n'est pas pressé quand il faut venir me voir. »« Ah, petite maman, je ne suis heureux qu'auprès de vous. » J'embrassai la marquise, qui faisait mine de s'en défendre. Justine trouva le badinage trop long. Elle me pinça rudement. La douleur m'arracha un cri. « Prenez donc garde à ce que vous faites, » dit la marquise à Justine, avec un peu d'humeur. « Mais, madame, aussi il ne peut pas se tenir un moment tranquille. » Il y eut quelques instants de silence. Ma belle maîtresse avait pris une de mes mains dans les siennes. L'espiègle soubrette occupa l'autre, en me faisant tenir un bout de ruban qui devait nouer mes cheveux. Et saisissant le moment, elle m'appliqua un peu de pommade sur la figure. « Justine !» lui dis-je. « Petite !» dit la marquise. « Madame, je n'emploie qu'une main. Que ne se défend-il avec l'autre ?» Et puis, feignant que la houppe lui ait échappé, elle me jeta de la poudre sur les yeux. « Petite ! Vous êtes bien folle ! Je ne vous emmènerai plus chez lui. » « Bon, madame, est-ce qu'il est dangereux ? Je n'ai pas peur de lui. » « Mais Justine, c'est que tu ne sais pas comment il est vif. » « Oh, que si, madame. » « Tu le sais, petite ?»« Oui, madame. » « Madame se souvient du soir qu'elle a couché chez nous, cette belle demoiselle. » « Eh bien, j'ai offert de la déshabiller. Madame n'a pas voulu. » « Sans doute. Elle avait un air si modeste, si timide. Qui n'en aurait été la dupe ? Je ne sais pas comment j'ai pu lui pardonner. » « C'est que madame est si bonne. »« Madame, je disais donc que vous n'aviez pas voulu. » Mademoiselle du Portail se déshabillait derrière les rideaux. Je passais par hasard près d'elle au moment où, ayant ôté son dernier jupon, elle s'élançait dans le lit. « Enfin !»« Enfin, madame, cette drôle de demoiselle sauta si vite, si singulièrement que... »« Eh bien, achève donc » dis-je à Justine. « Ah, mais je n'ose. »« Finis donc !» dit la marquise, en se cachant le visage avec son éventail. Elle sauta si singulièrement et avec si peu de précaution que je m'aperçus... « Quoi, Justine ?» interrompit la marquise d'un ton presque sérieux. « Vous vous aperçûtes que c'était un jeune homme ?»« Oui, madame. »« Comment ? Et vous ne m'avez pas averti ?»« Bon, madame, le pouvais-je ? Vos femmes dans notre appartement, le marquis près d'y entrer, cela aurait fait un beau vacarme. Et puis, madame le savait peut-être. » À ces mots, la marquise pâlit. « Vous me manquez, mademoiselle. Sachez que si je veux bien m'oublier, je ne veux pas qu'on s'oublie. » Le ton dont ces paroles furent prononcées fit trembler la pauvre Justine. Elle s'excusa de son mieux. « Madame, je plaisantais. »« Je le crois, mademoiselle. Si je pensais que vous eussiez parlé sérieusement, je vous chasserais dès ce soir. » Justine se mit à pleurer. Je tâchai d'apaiser la marquise. « Convenez, me dit celle-ci, qu'elle m'a dit une impertinence. Comment ? Osez supposer ? Osez me dire en face et devant vous que je savais ?» Elle rougit beaucoup, me prit la main et me la serra doucement. « Mon cher Faublas, mon bon ami, vous savez comment cela s'est passé. Vous savez si ma faiblesse est excusable. Votre déguisement trompe tout le monde. Je vois au bal une jeune demoiselle, jolie, pleine d'esprit, pour qui je me sens beaucoup d'inclination. Elle soupe chez moi, elle y couche, tout le monde se retire. L'aimable demoiselle est dans mon lit, à côté de moi. Il se trouve que c'est un charmant jeune homme. Jusqu'ici, le hasard, ou plutôt l'amour, a tout fait. Après cela, j'ai sans doute été bien faible. Mais quelle femme à ma place aurait résisté ? Le lendemain, je m'applaudis du hasard qui a fait mon bonheur et qui l'assure. Faublas, vous connaissez le marquis. On m'a marié malgré moi, on m'a sacrifié. Quelle femme excusera-t-on, si l'on me juge à la rigueur ? Je vis la marquise prête à pleurer. J'essayai de la consoler par le baiser le plus tendre. Je voulus parler. « Un moment, » me dit-elle. « Un moment, mon ami. » Le lendemain, je confie à mademoiselle mon étonnante aventure. Je lui dis tout, Faublas. Elle a le secret de ma vie, mon secret le plus cher. Elle paraît me plaindre, m'aimer, point du tout. Elle abuse de ma confiance, elle suppose une horreur, elle me dit en face. Justine fondait en larmes. Elle tomba aux genoux de sa maîtresse. Elle lui demanda 20 fois pardon. Je joignis mes instances aux siennes, car j'étais vivement ému. La marquise fut attendrie. « Allez, » dit-elle. « Je vous pardonne, Justine. Oui, je vous pardonne. » Justine baisa la main de sa maîtresse et s'excusa de nouveau. « C'est assez, » lui répondit-on. « C'est assez. Je suis calmée. Je suis contente. Relevez-vous, Justine. Et n'oubliez jamais que si votre maîtresse a des faiblesses, il ne faut pas lui supposer des vices. Que, loin de chercher à la trouver plus coupable, vous devez l'excuser ou la plaindre. Et qu'enfin, vous ne pouvez, sans vous rendre indigne de ses bontés, lui manquer de fidélité et de respect. « Allons, petite, » ajouta-t-elle avec beaucoup de douceur, « ne pleure plus. Relève-toi. Je te dis que je te pardonne. Finis cette coiffure, et qu'il ne soit plus question de cela. » Justine reprit son ouvrage en me lorgnant d'un air confus. La marquise me regardait languissamment. Nous gardions tous trois le silence. Ma toilette n'en alla que plus vite. J'eus deux femmes de chambre au lieu d'une. Il était 9 heures. Il fallut se séparer. Nous nous donnâmes le baiser d'adieu. « Allez, friponne, me dit la marquise, et ménagez mon mari. Demain, je vous donnerai de mes nouvelles. » Je descendis. Un fiacre était à la porte. Comme j'y montais, deux jeunes gens passèrent. Ils me regardaient de très près et se permirent quelques plaisanteries plus grossières que galantes. J'en fus surpris. La maison d'où je sortais pouvait-elle être suspecte? C'était celle d'une amie de la marquise. Ma mise n'était pas non plus d'une fille. Pourquoi donc ces messieurs s'égayaient-ils sur mon compte? C'est qu'apparemment, il leur avait paru étrange de voir une femme bien parée et sans domestique monter seule dans un fiacre à 9 heures du soir. À mesure que mon phaéton avançait, mes réflexions prirent un autre cours et changèrent d'objet. J'étais seul, je pensais à ma Sophie. Je ne lui avais fait dans la matinée qu'une courte visite. Dans la soirée, je ne donnais qu'un moment à son souvenir. Mais si le lecteur veut m'excuser, qu'il songe au doux plaisir que vient de m'offrir une femme charmante, voluptueuse et une belle petite figure chiffonnée, qu'il se souvienne surtout que Faublas commence au noviciat et n'a guère que 16 ans. J'arrivai chez Monsieur de Portail. Le marquis, en me faisant de profondes révérences, commença par me demander si j'avais vu sa femme. Répondre non, c'était bien mentir. Il fallut m'y déterminer. Non, monsieur le marquis. Je le savais bien, j'en étais sûr. Monsieur Duportail l'interrompit. Ma fille, vous êtes fait longtemps attendre. Nous allons nous mettre à table. Sans mon frère. Il m'a fait dire qu'il soupait en ville. Comment, la veille de mon départ? Belle demoiselle, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un frère. Monsieur, je crois l'avoir dit à madame la marquise. Elle ne m'en a pas parlé. Bon. Je vous donne ma parole d'honneur qu'elle ne m'en a pas parlé. Monsieur, je vous crois. Ah, c'est que cela tire à conséquence. Monsieur votre père croirait que je fais le connaisseur et que je ne le suis pas. Comment donc? Comment, mademoiselle? Vous ne croiriez jamais ce qui m'est arrivé. En entrant ici, je reconnus monsieur votre frère que je n'avais jamais vu. Oh bah. Demandez à monsieur votre père. À la bonne heure, monsieur. Vous l'avez reconnu, mais madame la marquise ne m'en a pas parlé, je vous le jure. Bon. Je vous en donne ma parole d'honneur. C'est donc monsieur de Rosembert? Il ne m'en a pas parlé non plus. Je crois pourtant l'avoir entendu vous dire à peu près « Pas un mot qui ressemble à cela, je vous le proteste. » Et le marquis se fâchait presque. « C'est donc moi qui me suis trompé. En ce cas, monsieur, il faut que vous soyez grand physionomiste. »« Oh, ça c'est vrai, » répondit-il avec une joie extrême. « Personne ne se connaît en physionomie comme moi. » Monsieur Duportail s'amusait de la conversation et de peur qu'elle ne finît trop tôt. « Il faut convenir aussi, » dit-il au marquis, « qu'il a un air de famille. »« J'en conviens, » répliqua celui-ci, « j'en conviens. Mais c'est justement cet air de famille qu'il faut saisir, qu'il faut distinguer dans les traits. C'est là ce qui constitue les vrais connaisseurs. Entre père, mère, frère et sœur, il y a toujours... »« Vous croyez, monsieur ?»« Si je le crois. Mais j'en suis sûr. Quelquefois, cet air-là est enveloppé dans le maintien, dans les manières, dans les regards. » Enveloppé, vous dis-je, enveloppé de sorte qu'il n'est pas aisé de l'apercevoir. Eh bien, un homme habile le cherche, le débrouille, vous concevez? De sorte que si après m'avoir vu, mais avant d'avoir vu mon père que voici, vous l'aviez par hasard rencontré au milieu de 20 personnes, lui, dans 1000, je l'aurais reconnu. Monsieur Duportail et moi, nous nous mîmes à rire. Le marquis se leva, quitta la table, alla à Monsieur Duportail, lui prit la tête d'une main, et promenant un doigt sur le visage de mon prétendu père, « Ne riez donc pas, monsieur, ne riez donc pas. Tenez, mademoiselle, voyez-vous ce trait-là, qui prend ici, qui passe par là, qui revient ensuite. Revient-il ? Non, il ne revient pas, il reste là. Eh bien, tenez ! Il venait à moi. « Monsieur, je ne veux pas qu'on me touche. » Il s'arrêta et promena son doigt, mais sans le poser sur mon visage. « Eh bien, mademoiselle, ce même trait, le voilà là, ici et encore là, là, voyez-vous ? » ?»« Eh, monsieur, comment voulez-vous que je voie ? Vous riez, il ne faut pas rire, cela est curieux. Vous voyez bien, vous, monsieur ?»« Très bien. » »« Outre cela, monsieur, il y a dans l'ensemble, dans la configuration du corps, certaines nuances, de ressemblances, certains rapports secrets, occultes. Occultes ? Répétai-je, occultes ? Oui, oui, occultes. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'occulte. Cela n'est pas étonnant, une demoiselle. Je disais donc, monsieur, qu'il y a des ressemblances occultes. Non, ce n'est pas ressemblance que j'avais dit, c'est un autre mot, plus... mieux. Ah, dame, je ne sais plus où j'en étais, on m'a interrompu. « Monsieur, vous avez dit des rapports occultes. »« Ah oui, des rapports, des rapports. »« Et je vais vous faire concevoir cela, à vous, monsieur le marquis. »« Vous m'injuriez, je crois. »« Non, ma belle demoiselle, vous ne pouvez pas savoir tout ce que monsieur votre père sait. »« Ah, dans ce sens-là ?»« Oui, dans ce sens-là, ma belle demoiselle. »« Mais de grâce, laissez-moi expliquer à monsieur. »« Monsieur, les pères et les mères, dans la procréation des individus, » font des êtres qui ressemblent, qui ont des rapports occultes avec des êtres qui les ont procréés, parce que la mère de son côté et le père du sien... Chut, chut, je vous entends, interrompit monsieur Duportail. Oh, elle ne comprend pas cela, répondit le marquis, elle est trop jeune. Cela est pourtant clair, ce que je vous explique, mais cela est clair pour vous. Ces choses-là, monsieur, sont physiques. Elles ont été physiquement prouvées par de grands physiciens qui entendaient très bien ces parties-là. Monsieur le marquis, pourquoi donc parler bas ? J'ai fini, mademoiselle, fini. Monsieur, votre père est au fait. Vous vous connaissez en physionomie, monsieur le marquis, mais vous connaissez-vous aussi en étoffe. Que dites-vous de cette robe-là ? Elle est très jolie, très jolie. Je crois que la marquise en a une pareille, oui, toute pareille. De la même étoffe ? De la même couleur ? De la même étoffe, je ne sais pas, mais pour la couleur, c'est absolument la même. Elle est très jolie, elle vous va au mieux. » Il partit de là pour me faire des compliments à sa manière, tandis que monsieur Duportail, devinant à qui la robe appartenait, me regardait d'un air mécontent et semblait me reprocher d'avoir si tôt oublié la parole que je lui avais donnée. Nous sortions de table, quand mon véritable père, monsieur de Faublas, qui m'avait promis de venir me chercher, arriva. Son étonnement fut extrême de retrouver chez M. Duportail son fils encore travesti et le marquis de B. « Encore ? » dit-il en me regardant d'un air sévère. « Et vous, M. Duportail, vous avez la bonté ?»« Eh, bonsoir, mon ami. Ne reconnaissez-vous pas le marquis de B ?»« Il m'a fait l'honneur de me venir demander à souper pour faire ses adieux à ma fille qui part demain. »« Qui part demain ?» répliqua le baron en saluant froidement le marquis. « Oui, mon ami, elle retourne à son couvent, ne le savez-vous pas ?»« Eh non, » dit le baron avec impatience, « eh non, je ne le sais pas. »« Eh bien, mon ami, je vous le dis, elle part. »« Oui, monsieur, » interrompit le marquis, en s'adressant à mon père, « elle part, j'en ai bien du chagrin, et ma femme en sera très fâchée. »« Et moi, monsieur, » répondit le baron, « j'en suis bien aise. »« Il est temps que cela finisse, » ajouta-t-il en me regardant. M. Duportail craignit qu'il ne s'emportât, il le tira à part. « Qu'est-ce donc que cet homme-là ? » me dit alors le marquis. « Ne l'ai-je pas vu ici l'autre jour ?»« Justement. » Je l'ai reconnu tout d'un coup. Quand une fois j'ai vu une figure, elle est là. Mais cet homme me déplaît. Il a toujours l'air fâché. Est-ce un de vos parents ? Point du tout. Oh, je l'aurais gagé qu'il n'était point de la famille. Il n'y a pas entre vos figures la moindre ressemblance. La vôtre est toujours gaie, la sienne est toujours sombre. À moins qu'un riz platonique... Non, sartonique. Est-ce sartonique ? Enfin, vous comprenez. Je veux dire que lorsqu'il ne vous regarde pas de travers, cet homme-là, il vous rit au nez. Ne faites pas attention à cela, c'est un philosophe. Un philosophe ? Reprit le marquis d'un air effrayé. Je ne m'étonne plus. Un philosophe. Ah, je m'en vais. Monsieur Duportail et le baron s'entretenaient ensemble et nous tournaient le dos. Le marquis alla dire adieu à monsieur Duportail. Ne vous dérangez pas. Dit-il au baron, qui se retourna pour le saluer. « Monsieur, ne vous dérangez pas. Je n'aime pas les philosophes, moi, et je suis fort aise que vous ne soyez pas de la famille. »« Un philosophe ? Un philosophe ? » répéta-t-il en s'enfuyant. Quand il fut parti, mon père et M. Duportail recommencèrent à causer tout bas. Je m'endormis au coin du feu. Un songe heureux me présenta l'image de ma Sophie. « Faublas ! » cria le baron. « Allons-nous-en. »« Voir ma jolie cousine ? » lui dis-je encore tout étourdi. « Sa jolie cousine, voyez s'il ne dort pas tout debout. » Monsieur Duportail riait. Il me dit « Allez-vous-en, mon ami, allez dormir chez vous. Je crois que vous en avez besoin. Nous nous reverrons. Je vous dois encore des reproches et le récit de mes malheurs. Nous nous reverrons. »